Bonsoir. Voilà, donc vous vous trouvez sur l'émission Tranche d'Anard, l'émission anarchiste de Radio Air Libre, comme tous les vendredis soirs de 21h à 22h30. Notre numéro de téléphone est toujours le 02-344-58-55, 02-344-58-55. Notre adresse, si vous voulez venir nous voir, c'est le 365A, chaussée d'Alsenberg, 1190 de Bruxelles. Voilà, ce soir, nous avons un invité. Bonsoir. Bonsoir. Yahya, c'est ça, Yahya Anne. Oui, Yahya Abdelaziz Anne. Ok, il faut bien parler dans le micro. Yahya Abdelaziz Anne. Ok. Ok, donc ce soir, notre invité vient de Mauritanie. La semaine dernière, nous avions un Congolais. Maintenant, nous avons un Mauritanien. On fait un peu le tour de l'Afrique. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, donc, voilà, donc, bonsoir, merci d'être venu. Je vous en prie et merci de m'avoir invité. Voilà, donc on vient ici parler de la Mauritanie et notamment du mouvement de l'IRA mauritanienne. Oui. Donc vous êtes déjà passé dans une émission africaine ici, enfin je ne sais pas si c'est vous qui étiez là. Oui, vous êtes venu. Il y avait moi et la présidente Marie-Vonne. Marie-Vonne, oui, et qui n'a pas pu venir ce soir. Exactement. Et donc, vous êtes déjà venu parler de la problématique, enfin du mouvement de l'IRA et de la problématique de l'esclavage en Mauritanie. En Mauritanie, oui. Voilà. Donc, vous pourriez peut-être nous expliquer un peu ce qui se passe là-bas, parce que en fait, c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup. Oui, exactement, parce que c'est un pays on n'entend rien de parler d'eux. Oui. La Mauritanie, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas où se situe la Mauritanie, c'est un pays qui se retrouve entre le Maroc et le Sénégal. Nous avons aussi l'Algérie qui est juste à côté de nous aussi. Donc c'est un pays composé d'arabo-berbères et des Africains et des Noirs africains et une communauté aussi qui a deux cultures, des arabo-berbères et celle des Africains, Noirs africains de la Mauritanie. Mm-hmm. Voilà. Pouvez-nous dire ce que c'est que le mouvement de l'IRA mauritanien? Ouais. Le IRA, c'est l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste. Nous nous battons contre l'esclavage en Mauritanie. C'est le but initial de notre mouvement. Donc nous avons aussi, nous avons pu mettre en valeur pas mal de dénonciations. Et voilà. Et alors, par contre, l'esclavage avait été déjà aboli en 81. Oui, l'esclavage. De façon complètement officielle. Oui, l'esclavage a été aboli. Et récemment aussi, en 2015 aussi, ils ont sorti encore d'autres lois. Mais en fait, c'est des lois qui maquillent, en fait. C'est des lois qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit. L'esclavage existe toujours et les esclavagistes sont toujours impunis. Et d'ailleurs, la flagrante des délits, en fait, c'est les gens qui se battent contre l'esclavage qu'on emprisonne actuellement en Mauritanie. La preuve, ça fait même pas 4 semaines, on a arrêté l'exemple 13 de nos membres qui sont actuellement en prison avec des peines extravagantes allant de 13 ans, de 15 ans jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Alors que ces gens n'ont fait que manifester. Vous voyez? Et donc, vous avez créé un mouvement ici en Belgique? Une section qu'on a créée ici, c'est pour accompagner, pour pouvoir aider aussi, pour pouvoir faire autre chose que la lutte, c'est sur le terrain, bien sûr. Mais ici encore, nous sommes là. Et pourquoi pas ne pas créer un mouvement ici qui va faire une suite et qui va suivre exactement les mêmes engagements que la maison mère, si on peut dire, entre guillemets. Et vous avez beaucoup de Mauritaniens, une communauté mauritanienne importante en Belgique? Oui, elle est pas mal. En fait, il faut savoir qu'en Mauritanie même, on est 3 500. La population mauritanienne est à 3 500. Donc du coup, si nous essayons d'avoir ici beaucoup de Mauritaniens, disons qu'on peut avoir jusqu'à, disons, 8 000, quelque chose comme ça, ou bien 10 000 maximum Mauritaniens qu'on peut avoir ici en Belgique. Mais c'est une communauté quand même combattante qui essaye quand même de nous... Chaque fois que nous organisons des manifestations ou bien des choses qui vont avec la lutte en Mauritanie, ils sont présents. Et le gouvernement mauritanien, c'est un gouvernement qui est comment? Ah, le gouvernement britannien, je vous repose la question. Le gouvernement qui emprisonne des abolitionnistes et qui essaye, les gens, chaque personne qui essaye de mettre en avant notre, une bonne cause et qui essaie de défendre la cause des Noirs est emprisonné en Mauritanie. C'est un mouvement, c'est un gouvernement raciste, esclavagiste et féodal. Ouais. Et il est au pouvoir depuis combien de temps ? En fait, ce qu'il faut savoir qu'en Mauritanie, depuis 78, ben, on a l'habitude de dire 78, on est gouverné par les militaires, en fait. Et, c'est les gabégistes, ce sont les gens qui sont là au pouvoir que pour leurs propres intérêts. Et il y a une suite, en fait, c'est toujours les mêmes têtes, même si, exemple, s'il y a un coup d'État, c'est l'ami de l'autre ou bien le cousin de l'autre qui a fait coup d'État à l'autre. Donc c'est toujours une mafia ambiante qui est au pouvoir depuis 78. Ah, depuis 78. Depuis 78. Depuis 78, on n'a pas eu un président élu démocratiquement. Mohamed Abdelaziz a élu démocratiquement, mais nous savons comment il a été élu démocratiquement. C'est par des viols. Voilà. Il a violé des lois et voilà quoi. J'ai une petite question. Oui. L'esclavagisme existe depuis très longtemps en Mauritanie. Exactement. Donc si maintenant vous êtes passé par le colonialisme, vous êtes passé et puis par une indépendance, donc j'imagine que le système existe toujours, qu'en fait les castes qui avant avaient des esclaves sont toujours les mêmes et sont ceux au gouvernement et les gens. Alors, comment ça fonctionne, ouais, voilà, en fait qui sont les gens qui ont les esclaves et qui sont les esclaves? Je vous explique. En fait, il y a une communauté Haradin qui fait, exemple, plus de 60% de la population, et c'est cette communauté qui est plus touchée par l'esclavage. Et c'est cette société esclavagisée par des Beydans, les arabo-berbères de la population mauritanienne qui sont au pouvoir depuis l'indépendance de la Mauritanie. Ça, c'est nous avons aussi un autre côté qu'on appelle la féodalité, les Kéchons, c'est côté de négro-africains. Les Noirs, Mauritaniens, il y a un système de caste qui est présent, qui est visible à l'ONU. Nous le combattons aussi. Donc c'est un système que, exemple, vous êtes né esclave, mais c'est différent de la manière de chez les Arabo-Berbères. Chez les Arabo-Berbères, c'est la violation, le travail forcé. T'as pas de droit à tes enfants. Tu es né esclave, tu meurs esclave. Ça, c'est chez la communauté Arabo-Berbère. De maître à l'esclave. Écoutez les Africains, les Négro-Africains, les Négro-Mauritaniens, il y a un système de caste qui est exemple le noble, le pêcheur, le forgeron, le ainsi de suite jusqu'à l'esclave. Mais c'est un esclave qui est libre. Vous dites c'est mon esclave, mais c'est dans ses intérêts qu'il est votre esclave. Parce que vous lui payez des habits. C'est une tradition. Vous voyez, et ce système, ça peut disparaître parce qu'un esclave chez les Négro-Mauritaniens peut aller à l'école, il a les mêmes droits que les autres, mais on peut les retrouver aussi dans d'autres communautés, comme les Soninkés. C'est un peu plus compliqué parce que ces gens-là, exemple, refusent même d'être enterrés dans les mêmes cimetières que les autres. Vous voyez, et c'est un problème un peu très critique que Bilham Diawoulébé, le président de notre mouvement, il essaye d'étaler tous ces genres de problèmes et nous essayons de les étudier une à une et nous essayons de mettre en place un système qui peut vraiment éradiquer cette maladie. Donc j'imagine que, puisqu'en fait il y a différentes traditions d'esclavage, oui, qui coexistent l'un à côté de l'autre. Exactement. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Oui, le combat n'est pas facile. Il faut savoir comment se prendre avec chaque communauté aussi. Et il faut savoir aussi ce qui est le plus important, c'est exactement en fait la religion en fait en Mauritanie. Il y a eu des oulémas avant. Ce qu'on appelle les oulémas, c'est des érudits. Ce sont les gens, exemple, qui ont mis en place des livres, des codes. Et en fait, ces codes, en fait, c'est devenu des dogmes. Ces gens, on les fait croire que c'est la parole de Dieu. Alors que c'est archi faux. Dans le Coran, on ne défend pas l'esclavage. Dans le Coran, on interdit l'esclavagisme. Dans le Coran, personne n'est plus noble que l'autre. Et dans ces codes que Bilham Diawoulébé a brûlé en public, qui a failli lui coûter la mort, donc ces livres ne sont appliqués qu'en Mauritanie. C'est ce qui est navrant dans l'histoire. Que les Mauritaniens qui se disent « Ouais, nous sommes des savants, nous sommes... » Et une fois qu'ils veulent aller dans des pays arabes, ces livres ne voyagent pas avec eux. Ça reste chez eux. Ces livres ne sont encodés et mis en, en valeur qu'en Mauritanie. En fait, c'est une forme de justice. Exactement. Ce sont des codes. En fait, c'est pour garder le même système. En fait, ce qu'il faut comprendre, que les Beydans en Mauritanie ont compris que les Haradines sont leur force. Et pour les maintenir dans l'ignorance, et une force, les Haradines sont dans l'ignorance. Imaginons actuellement, ces Haradines font 60% de la population et 20% encore de ces Haradines sont encore esclaves. Vous voyez ? En même exemple, des autres 40%, on peut trouver, exemple, ce sont des gens condamnés à avoir des sous-métiers. Vous ne pouvez pas rêver. Tout ce que vous pouvez être au maximum, c'est être un soldat ou bien quelque chose comme ça. Ou bien vous avez fait des études hautement et là, personne ne peut rien contre vous. On vous pistonne, on vous met quelque part et ça, c'est pour boucher le trou. C'est pour vous mettre... Actuellement, récemment, il y a un concours d'une haute école militaire. Et dans tous les 36 ou bien 39, j'ai oublié c'est combien, réussis, il n'y a aucun noir. Alors que la Mauritanie, c'est une grande on a une grande composante d'Africains, de noirs, des haradines, des trucs, mais il n'y a pas, vous voyez. Donc il y a une discrimination et en essayant d'affaiblir, en fait, le combat, il est économique. Quand un peuple est pauvre, elle est vulnérable. Il devient vulnérable, ce peuple. Il n'a plus de force. Vous voyez, les Haradines sont condamnés à mendier ou bien à travailler comme des bonniches de la maison ou bien être à la base de l'armée, des gens qu'on met au premier pas quand il faut tirer. Donc ils n'ont jamais été représentés dans le gouvernement. Donc c'est ça non, que vous dites. Non. Donc il n'y a pas une représentation vraiment de si, la population. En fait, oui, il faut savoir ce qu'on appelle le poudre aux yeux. Exemple, on va voir dans 40 ministres. Dans ces 40 ministres, vous allez retrouver dans ces 40 minutes 5 noirs. Et dans ces 5 noirs, vous allez retrouver un Haradani, un Wolof, un Bambara, un Peul et un Soninké. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on essaye de nous mettre là. Mais en fait, dans ces noirs, il y a plusieurs communautés dans ces noirs. Et tout le reste, ce sont des arabo-berbères. C'est cette discrimination que nous combattons contre cette discrimination. Nous voulons qu'une Mauritanie juste et équitable. C'est ce que mes compatriotes... J'ai des amis maures, moi, avec qui je parle, avec qui on échange des choses. On a les mêmes idées, vous voyez. En fait, c'est les anciens qui ont été là, c'est eux encore qui restent avec ces idées et qui essaient encore d'ingréner les enfants, qui, exemple, essayent, il y a certaines d'entre eux, moi je les appelle les bêtes, parce que vous avez vu que ça, c'est pas un bon exemple, c'est pas à suivre. Oui, et quelles sont les actions qui sont menées par l'Iran en Mauritanie? J'ai vu qu'il doit y avoir des actions plus politiques, plus générales, comme on essaie effectivement d'aider des gens pour sortir de l'esclavage. Exactement, c'est ce que nous faisons. Nous, Iran en Mauritanie, nous essayons de sensibiliser. Ça, c'est la première des choses que nous faisons. Nous sensibilisons, nous faisons comprendre à ces gens-là que ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une injustice. Les faire comprendre d'abord que ce qu'ils sont en train de vivre, ce que leur maître est en train de vivre, ils ont le droit de vivre comme leur maître. Ça, c'est un. Et de les faire comprendre que ce qu'ils sont en train de... La religion dont on les a, les dogmes qu'on les a donnés, c'est pas ça la religion. Parce qu'en fait, dans le Coran, pour rappeler quelque chose de très important dans le Coran, vous ne pouvez pas être un ignorant et être un musulman. C'est incompatible. Parce que la première des sourates qui est venue dans le Coran, c'est Iqra. Ça veut dire c'est apprend. Vous ne pouvez pas être musulman et être un ignorant et sans savoir vos droits, sans savoir ce que vous devrez faire. Et tout ce qui a été, il faut savoir que l'islam, c'est une paix. Elle n'est pas venue pour faire du mal à qui que ce soit. On a descendu le Coran pour Rahma. Rahma, ça veut dire, c'est pour vous gratifier, c'est être en paix. Donc, si vous n'êtes pas en paix, ce n'est pas la religion. La religion ne vous condamne pas à rester esclave. La religion ne vous condamne pas à rester pauvre. La religion ne vous condamne pas à être violé devant vos enfants. La religion ne vous condamne pas à ne pas avoir le droit sur vos enfants. Donc ces hommes et femmes, c'est un combat quand même qui est très dur, ça il faut l'avouer. Mais nous avons eu le courage de le faire et de l'affronter. Et nous l'affrontons. Et il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats. La population a essayé de comprendre. Le peuple anticipe maintenant. Récemment, il y avait le jour de la fête, il y avait un jeune courageux qui a étudié, qui a fait les études islamiques. Il est resté debout, il a dit ce qu'il pensait. Et ça, ça n'arrivait pas avant. Maintenant, on a pu avoir des jeunes qui se révoltent, qui ont appris, qui ont compris la mission islamique. Parce que, en fait, si nous restons bloqués en Mauritanie, les esclaves restent bloqués en Mauritanie, c'est tout à fait religion. Les gens sont manipulés, ont été manipulés. On les a fait croire que, voilà, si vous ne faites pas ça, vous allez aller en enfer. Mmh. Et voilà. Partir jusqu'à dire à un esclave que ton paradis dépend de ton maître. Vous voyez. Donc, là, l'esclave, il faut lui sortir de ses dogmes. C'est difficile à faire. C'est un combat très difficile à faire, mais nous le faisons quand même. Et il y a eu des résultats. Ce que nous avons fait publiquement, c'est incinérer les livres de Côte Noire, ces livres qui montrent à l'esclave t'as aucun droit. On les a brûlés. Biramadaoul les a brûlés. C'est qui a fallu la mort. Il y a eu des manifestations des gens qu'on avait engrainés pour les dire ouais, manifester, demander-lui la peine de mort. La communauté internationale a réagi. Il y a eu des Mauritaniens aussi doués d'intelligence qui ont réagi. Donc voilà, ça c'est ce que nous avançons actuellement en Mauritanie en termes de. Surtout, c'est qu'il faut savoir qu'avant c'était des sujets tabous. On ne pouvait même pas en parler. Mais maintenant on en parle. Vous voyez, si on en parle, ça veut dire que. Il y a quelque chose qui a été fait. Comment vous arrivez à parler? Parce que comment vous arrivez à toucher les gens? Parce qu'ils ne vont pas à l'école, je suppose. Il n'y a pas... Si, il n'y a pas... Il y a des gens, en fait, oui. Ou qu'est-ce qui a été dit à l'école aussi, dans l'éducation? Dans l'éducation, c'est, on a toujours montré que les arabo-berbères sont les mauritaniens chouches. C'est eux qui ont combattu le colonialisme. C'est eux les héros. Alors que même un enfant né demain sait très bien que c'est archi fou. Donc, mais s'il faut savoir, ce sont des gens qui parlent le. Moi, je parle, exemple, presque toutes les langues qu'on parle en Mauritanie. Donc, je peux communiquer avec une personne. Ils ont vu, exemple, ce que Biramada a fait. Et ils ont compris aussi que ça, il y a quelque chose qui ne va pas. On a sonné l'alarme. Et à partir de là, nous travaillons avec des femmes, des enfants, des jeunes. Ce sont surtout les femmes, en fait, parce que ce sont les femmes les plus touchées. Et la femme de Biramadaoul Abed, c'est une femme brave. Elle va dans les familles, elle cherche, elle fait ses enquêtes. Et les femmes mauritaniennes sont aussi braves et fortes. Et elle va jusqu'à aller les demander votre quotidien, comment vous vivez, les sensibiliser, les montrer des images, leur faire comprendre qu'ils ont droit à être heureux. C'est ce que nous faisons. Et c'est je trouve que navrant qu'une personne arrive à dormir, arrive à se coucher, dormir comme un truc, en sachant qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des enfants qui crèvent, qui sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Et ça, vous trouvez ça dans la communauté haratine. Vous partez en Mauritanie, en Nouakchott même, dans la capitale économique, ça ne va pas vous échapper les yeux. Ils vivent toute l'injustice. Toute l'injustice que vous pouvez avoir, ces gens sont en train le vit quotidiennement. Et c'est révoltant. On ne peut pas être un enfant digne d'un pays et ne pas vouloir changer la donne. Parce que tantôt, tu avais dit, si j'ai bien compris, que les parents ne peuvent même pas élever leurs enfants. Les enfants, ils vont où alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, il faut savoir qu'il y a un système d'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vous donne un exemple. Moi, j'avais des esclaves. Ces esclaves ont mis au monde des enfants. Et moi, j'ai mis au monde aux enfants. Donc, les enfants, ces des esclaves-là, n'appartiennent pas à l'esclave, m'appartiennent à moi. Et moi, j'en fais ce que je veux. Ça veut dire que je donne ça à mes enfants. Mes enfants peuvent les vendre, qu'on peut aussi les troquer. Déjà, les enfants vendent des autres enfants. Voilà. Bah, okay. Oui, et là, tout à l'heure, vous avez raison quand vous dites, enfin, il faut vraiment des gens qui vont faire des enquêtes, qui vont dans les familles, parce que aussi psychologiquement pour les esclaves, ça doit être difficile de se détacher de tout ça, parce qu'ils ont grandi dans ça, leurs parents ont grandi dans ça. Exactement. Et dans tout ce qu'ils ont appris, et il doit y avoir aussi parfois des relations de dépendance psychologique entre les maîtres et les esclaves. Nous travaillons là-dessus, nous travaillons aussi. Il y a des cellules aussi qui ont fait exactement pour ça. C'est surtout pour apprendre à l'esclave de savoir être indépendant, l'accompagner psychologiquement et financièrement. C'est très important. Parce que quand vous libérez un esclave aujourd'hui, et demain vous ne l'avez pas donné à quoi manger, vous ne l'avez pas formé, vous ne l'avez pas donné quoi que ce soit, il va retourner chez son maître parce qu'il a faim. Et son maître va lui dire, tiens, j'avais raison, je t'avais dit qu'ils t'ont libéré, mais ils t'ont rien donné à manger. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour cela que nous essayons de toutes nos forces, nous priver beaucoup de choses pour essayer de mettre à ces esclaves qu'on a libérés, ces gens qui ont été sensibilisés, les mettre bien et les faire savoir qu'ils ont droit d'être bien, qu'ils ont le droit. Alors comment réagit la communauté internationale par rapport à ça? La communauté internationale, elle met des pressions. Elle met des pressions. Mais il faut savoir qu'aussi qu'il y a, la Mauritanie a des amis avec qui elle travaille. Il ne faut pas oublier que la Mauritanie, on a le train le plus long au monde qui ne transporte que du fer. On a la côte la plus poissonneuse au monde. Je ne sais pas si vous savez. Donc nous sommes convoités. Donc le sourire du gouvernement est aimé. Donc les gens, comme nos amis espagnols, ils aiment bien le poisson. Donc, donc du coup, je pense qu'ils mettent un peu la pression à la communauté internationale. Mais quand même, elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose. Voilà, donc vous vous trouvez toujours sur l'émission Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Nous avons toujours ici comme invité Yahya, je n'ai pas très bien compris le nom. Yahya Abdelaziz An. Ah voilà, Abdelaziz An. Parce que moi, on m'avait donné que Yahya An. Oui, alors, c'est je pensais pas grave. Que c'était, je pensais en plus que c'était une femme. Oui, ça, c'est souvent on m'appelle. Oui, on a besoin de Madame An. J'ai dit non, si c'est monsieur. Mais bon, voilà, c'est Marie-Vonne, elle a tout de suite rectifié et tout. Exactement. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que l'IRA mauritanienne existe? Ben, on existe depuis, donc disons maintenant, on est vers 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Depuis combien de temps ? 8 ans, 9 ans. Et en Belgique ? En Belgique, en fait, il y avait, le mouvement était là. Il y avait des gens qui travaillaient là-dessus, qui sensibilisaient tout. Mais la reconnaissance exacte de notre mouvement a été, c'était le... Exactement. C'est pas très grave. Depuis le 2016. Ah oui, c'est tout récent. Oui, c'est tout récent. C'est pour cela que je recherchais la date exacte, en fait, que je voulais dire. Ah, ok. Et le fait de monter un mouvement ici en Belgique, ça vous apporte quoi ? Des soutiens de gens qui habitent ici ou Ouais, nous avons en fait le soutien des gens qui habitent ici, c'est on l'a depuis même avant la création du mouvement, mais quand même nous avons toujours été à jour sur ce plan. Mais en fait, nous avons eu encore des Mauritaniens qui se sont déplacés de notre mouvement IRA, en fait, qui sont venus ici. Comme exemple, Hamadi Lahbous, il est venu chez Amnesty International au Midi des droits des hommes. Ça, c'était en novembre 2016. Et au Césaria aussi. Donc voilà, nous avons eu encore Mariam, qui a eu un débat au Mars, au Prax. Ça Prax. Prax. Ouais, un contre avec, voilà. Et nous avons eu encore... un esclave qui a témoigné aussi à RTL. Ouais, c'était pas encore diffusé, mais voilà. Et le 10 du 12e mois 2015, nous avons eu le prix Tulpe. Je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un prix hollandais, en fait. Ah, Tulpe. Ouais, Tulpe, ouais. Mmh. Donc voilà. Et le 22 juillet, encore, nous avons fait une manifestation devant l'ambassade de la Mauritanie. Et voilà, le 28 septembre, nous aurons encore une manifestation devant l'ambassade de la Mauritanie. Le 28 septembre, voilà. À quelle heure ? Ça va être à 14h. Et l'ambassade de Mauritanie se trouve ? Je vais vous donner l'adresse. Moi-même, je ne connais pas. Avenue de Colombie. Ah, Avenue de Colombie. 1000 Bruxelles. Ok. C'est le tram... 94. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Apparemment, vous êtes encore dans d'autres pays aussi ? Oui, oui. Vous n'êtes pas tout seul, c'est un réseau. Non, nous sommes en France, en Allemagne, nous sommes aussi en Hollande, Italie, qui sont vraiment... Il y a une forte pression là-bas. Et nous sommes aussi au Sénégal, au Mali récemment, parce que Benhamed Daoulébit, le président de notre mouvement, a fait un tour aux États-Unis aussi, sans oublier, parce que c'est très fort. Canada aussi, parce que quand même, c'est des gros pays, des grands pays, en fait, et surtout, les mouvements sont encore plus grands là-bas, quoi. Donc voilà, il a fait le tour d'Afrique et c'était pas mal. Il a rencontré beaucoup de gens, il a sensibilisé aussi. Et voilà. Et est-ce que ça fait bouger les choses dans le pays ? Si, ça fait bouger les choses, parce que les gens, en fait, à partir de la Mauritanie, on ne nous donne pas la chance d'être dans les médias. Et surtout que les médias mauritaniens même ne sont pas regardés par les Mauritaniens. Donc si nous avons eu la chance de sortir dans une télé sénégalaise, nous serons beaucoup plus regardés en Mauritanie qu'autre chose. Et on a eu cette chance. Donc nous avons pu faire passer les messages à travers d'autres télés nationaux et internationaux que par le biais de nos télés locaux, quoi. Et au niveau de l'impact que ça peut avoir sur le gouvernement en Mauritanie, ça fait bouger les choses ? Non, le gouvernement est toujours furieux. Le gouvernement, tout ce qu'il peut faire, c'est condamner les gens. C'est toujours par la violence. Elle a toujours agi par la violence. Et récemment, je vous ai dit, le jeune imam qui était debout pour prêcher, qui disait que les imams sont complices parce que les imams n'ont pas prêché la bonne parole. Les imams n'ont pas dit, exemple, que ça, ce qui a été écrit dans ces livres, c'était en contradiction avec l'islam, sont complices. Ce jeune homme est maintenant en prison. Ils ne savent pas où est-ce qu'il est. Parce que c'est un jeune homme qui est resté debout et qui a dit la vérité le jour de la fête. Parce qu'il a vu qu'ici, c'était maintenant le bon moment pour passer le message. Il a passé le message et actuellement, ses parents ne savent même pas où est-ce qu'il est. Et vous, en tant que citoyen enfin en Belgique, est-ce que vous avez des menaces ? Non, nous, ça va. Ici, en Belgique, nous n'avons pas de problème. Vous n'avez pas de problème ? Non. Ok. Et par exemple, si vous n'avez pas d'accès aux médias en Mauritanie, comment est-ce que vous vous faites connaître Quels sont les médias que vous utilisez là-bas ? Actuellement, les médias sont en train de mourir maintenant, il faut savoir. Avec les réseaux sociaux, c'est, ça va plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Vous voyez, on a même notre page qui s'appelle IRA Mauritanie Section Belgique. Il y a des trucs. Et moi aussi, avec ma propre page, j'ai plus de 5000 et quelques amis. Donc, c'est déjà pas mal pour faire passer des messages. Et alors que nous ne sommes pas seuls. Et à plus forte raison, nous avons nos blogs, nous écrivons tous les jours, nous sensibilisons, nous avons les photos que nous partageons. Et à chaque opportunité qu'on peut faire passer le message, nous n'hésitons pas. Et votre mouvement est important ici en Belgique ? Très important. Il y a beaucoup de membres ? Oui. Nous cherchons encore d'autres membres. Si les gens, nous sommes ouverts à tout le monde. Nous ne sommes pas fermés sur exemple dire nous attendons que les Mauritaniens. La preuve, la présidente et le secrétaire général, ce sont des Belges. Mmh. Ouais. Donc voilà. Oui, Marie-Vonne que j'avais vue. Marie-Vonne, c'est on une femme. On l'avait vue à l'urgence du Sud. Ouais, c'est une femme très brave. C'est une femme qui nous accompagne dans toutes nos démarches. Elle nous a montré. Nous sommes nouveaux ici en Belgique, donc elle nous a montré quand même pas mal de portes et voilà. Et tantôt, tu disais qu'il y avait un témoignage d'un esclavage à RTL. Oui, oui. Comment vous avez... C'est quelqu'un qui a pu s'enfuir. Oui, oui, c'est qui une personne... Qui est venu en Belgique et qui a témoigné. Qui a témoigné, exactement. Ah, c'était une personne qui était esclave pendant des années et des années. Et il y avait eu des vidéos sur lui et tout. Donc, il a pu s'échapper. Il était venu ici en Belgique et il a fait des témoignages. Et voilà. Mais l'émission n'a pas été difficile. Oui. Mmh. Oui. Et les Mauritaniens qui arrivent en Belgique, par exemple des ex-esclaves ou des femmes qui veulent échapper à un mariage forcé ou quelque chose, oui. Est-ce qu'ils ont facilement accès à l'asile ? Tout dépend. Nous, tout ce que nous pouvons faire en fait, pour leur asile, c'est montrer que ça existe. Ce sont des cas qui existent. Mais ce qui est revenu, exemple, de les accorder des titres de séjour ou bien autre chose, ça revient au gouvernement belge ou bien ce qui va avec. Nous savons que ça existe. Et que si une personne a vécu ça en Mauritanie, nous pouvons le savoir parce que nous savons ce qui se passe en Mauritanie. Donc si on nous demande que cette personne ait vraiment a vécu ça, nous allons le dire. Et si cette personne n'a pas vécu ça, nous ne voyons pas l'intérêt de mentir là-dessus. Parce que quand même, c'est très important d'être honnête et visible dans ce truc. Mmh. Voilà. Oui. Bon. Je voudrais savoir le problème de la France par rapport à la Mauritanie, qui est un pays esclave, comment réagit la France au niveau de... La France a quand même fait les droits humains, et savoir comment elle a cette réaction des hommes politiques en France par rapport à la Mauritanie. Oui. Les hommes politiques en France, je pense que nous savons tous que ça part avec les intérêts. Donc voilà, en tant que comme j'ai dit précédemment, en tant que le président qui est en place, il sourit, ouais. Il signe des contrats de pêche et de fer, je pense que tout va aller bien. Il peut fermer les yeux. Donc voilà, il n'y a pas de pression française. Donc, si on, nous revenons encore ici en Mauritanie, exemple, pour ne pas, pour vous donner encore une autre information, exemple, depuis en 86 jusqu'à 92, il y a eu un génocide. Comme exemple, quand on parle exemple du Rwanda, et de, on a eu ce qu'on a eu au Rwanda, on a eu ça en Mauritanie. Il y a eu des milliers, des centaines d'hommes et femmes tués en Mauritanie. Ça, c'était la communauté négro-mauritanienne. Quand elle a commencé à dire que là où va le pays, c'est alertant. Ces jeunes, il y avait des flamistes, ce sont des jeunes qui se sont soulevés et ripostés, qui ont été contre le gouvernement. Ces gens ont été arrêtés. Des hommes ont été pendus le jour de l'indépendance. 28 soldats pendus le jour de l'indépendance en Mauritanie, en 89. Ça s'est passé en Mauritanie. Vous voyez. Donc, nous avons, non seulement nous avons l'autre côté, c'était l'esclavage des Haratines, et ce côté-là, nous avons encore une discrimination raciale en Mauritanie. Contre toute révolte que la communauté négro-africaine essaye de faire, on la plaque et on la brouille. Donc ça, c'était entre 96 et 92. Vous avez vu. Donc, ça veut dire que c'est un système, en fait, qui n'est là que pour soi. C'est un système militaire qui est là que pour soi, que pour se remplir les poches. Et c'est qui, la vie des peuples. Et donc, voilà. Je pense que, moi, quand même, moi et ma génération, je pense que nous n'allons pas reproduire ces genres d'erreurs induites par nos ancêtres. Parce que vous voulez passer à autre chose. Votre nouvelle génération, elle veut passer à autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Exactement. Je pense que c'est très intéressant. Nous avons besoin des grandes ruptures. Oui, mais les grandes ruptures... Je suis absolument d'accord avec toi. Oui, mais les grandes ruptures, c'est pas si facile que ça. Parce que là, tout à l'heure, on était en train de discuter sur les aspects, par exemple, psychologiques de l'esclavage. Le fait qu'il y a des gens qui doivent aller dans les familles, parler avec des personnes, faire un travail parfois très individuel. Et ce sont des trucs qui prennent quand même du temps aussi. Donc, d'un côté, on voit déjà peut-être des précurseurs comme le jeune dont tu viens de parler, qui s'est prononcé contre les oulémas, enfin, contre les livres et tout ça. Donc, ça se passe dans plusieurs endroits, dans votre pays. Mais pour changer les traditions et changer l'état d'âme d'une certaine partie de la population, il y aura besoin d'un peu de temps, ça doit évoluer. Exactement. Mais en fait, le gouvernement, ils ont le pouvoir, mais nous avons le temps. Nous sommes encore jeunes. Et IRA est composé de 90% de la jeunesse. Donc, nous avons la jeunesse, nous avons le temps. Ces gens-là ne vont pas, ils ont combien? 75 ans, 78 ans, 50 ans, le plus âgé d'entre eux. Le plus jeune parmi eux. Donc, il faut savoir que c'est quelque chose de mourant. Vous voyez, ils sont en déclin. Mais nous sommes pressés. Nous n'avons pas besoin d'attendre jusqu'à que leur fin du temps. Non, nous allons les faire dégager. Vous voyez, donc c'est pour cela que nous faisons tout à notre possible. Nous essayons, nous faisons des heures sub. Nous n'avons pas de dire, ouais, on commence de 7h à 7h. Toujours nous travaillons. En tant qu'il y a quelque chose qui peut faire avancer la donne, nous mettons nos mains. Thank you. Voilà, donc nous sommes toujours sur l'émission Tranche d'un art. Nous allons encore poser quelques questions à notre invité parce que je pense qu'il veut partir vers 10h, je crois, pour aller fêter un anniversaire. Donc, on nous a dit, en fait, il nous a dit qu'il y avait quelques événements qui allaient avoir lieu bientôt ici à Bruxelles. Oui, exactement. Nous organisons une manifestation devant l'ambassade de la Mauritanie le 28 septembre. Mm-hmm. C'est l'avenue de la Colombie. Donc voilà, mid Bruxelles, et c'est le tram 94 et l'arrêt c'est Boundal. Ok, et c'est à quelle heure? C'est à 14h. À 14h. Yeah. Et vous avez d'autres événements qui vont suivre? Oui, nous tiendrons directement, en fait nous faisons des comptes rendus après et nous à partir après, mais là la date ce qui est le plus important c'est pour le 28 en fait, et devant l'ambassade de la Mauritanie. Okay. Et vous avez un blog? Oui, nous avons une page Facebook qui s'appelle IRA Mauritanie, section Belgique. Vous pouvez aller liker cette page et vous aurez encore plus d'informations de tout ce que, de tous nos mouvements et voilà, de nos activités. C'est vraiment IRA Mauritanie, section Belgique. Initiative pour la résurgence de l'abolition, c'est ça? Exactement, madame. Voilà, en Mauritanie. Mm-hmm. Exactement. C'est pas l'IRA. Non, pas hollandais, là. Non, pas celui-là. Pas celui-là du tout. Avant, j'avais fait des recherches et j'étais tombé sur ça et je me suis dit, OK, donc c'est vraiment l'extrême droite, ça. Voilà, c'est exactement pas ça. Voilà. Donc, tu as autre chose à rajouter pour notre information? Oui, mais en fait, juste que nous avons vraiment besoin de la masse parce que c'est très important. Que les gens viennent et voient ce que nous faisons et que nous puissions rester avec, en contact avec ces gens-là. Que ces gens-là nous soutiennent aussi, exemple, même si moralement. Et le fait d'avoir beaucoup de membres aussi, c'est très important. Donc, notre mouvement, exemple, n'exclut personne, que vous soyez belge, je sais pas, français, asiat et tout. En tant que vous avez cette ambition de vouloir nous accompagner dans notre cause, que je trouve une cause très noble, vous êtes les bienvenus. En tout cas, si vous avez besoin de revenir, de parler d'un événement ou de quelque chose, vous êtes toujours les bienvenus ici à notre émission Radio Air Libre. Et je pense que vous serez toujours aussi les bienvenus à l'émission d'Africa Jama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui a lieu gentil. Le samedi matin. Merci Donc, beaucoup. Donc, merci beaucoup d'être venu. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Ouais, merci.